بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اعلموا أن أعظم النعم التي أنعم الله بها على هذه الأمة نعمة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا ودعوة أبيه إبراهيم عليه السلام ودعوة أخيه عيسى عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ولد صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول من عام الفيل على رأس 40 من عمره أرسله الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده وكمل الله به هذا الدين وختم به النبوة قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رحمة الله إلى العالمين رحمة الله إلى العالمين وله حق عظيم علينا كالإيمان به وتصديق أخباره وامتثال أوامره والبعد عن معصيته محبته نصرته صلى الله عليه وسلم ومن أعظم حقوقه اتباع شرعه وألا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم لذا اشتد النكير على المبتدعة الضالين عن سواء السبيل فإن البدعة تحارب السنة النبوية العبادة لا تقبل من الله سبحانه وتعالى إلا بشرطين اثنين الشرط الأول إخلاص الدين لله والشرط الثاني متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عبد الله بما لم يشرعه لم يقبله الله سبحانه وتعالى بل عمله مردود وقد كثرت الأدلة الدالة على تحريم الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال: هذه سبل متفرقة، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول المفسر مجاهد رحمه الله تعالى: السبل البدع والمحدثات. السبل هي البدع والمحدثات، أخرجه الإمام أحمد عن الحديث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تسمعون في كل جمعة: وإن خير الكلام كلام الله، وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم، رواه مسلم. فهذا الحديث كان يكرره النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة لأهميته، تحذير الأمة من الوقوع في البدع والمحدثات. وفي حديث العرباض قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن أخطر ما جاء ما روى أبو عاصم في السنة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله احتجز توبة من صاحب كل بدعة، إن الله احتجز توبة من صاحب كل بدعة. فهذه الأحاديث وأمثالها مما جاء من التحذير عن الوقوع في البدع. والله سبحانه وتعالى ما تعبدنا بالابتداع، بل تعبدنا بالاتباع. لذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص ونصحه لما سمع أنه يكثر من العبادات ولا يقرب من أهله، فقال له: أتصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: نعم. قال عبد الله العابد الزاهد رضي الله عنه: قال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أصوم وأفطر، أصلي وأنام، وأمس النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ألا وإن من البدع المنتشرة في العالم الإسلامي مع الأسف بدعة المولد النبوي. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحق منا الحب والتقدير، ولكن ليس الحب بالابتداع، وإنما الحب في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تعبد الله بالاحتفال بالمولد النبوي لن يتقبل الله منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. فيا من زعم أن الاحتفال بالمولد النبوي علامة حبه، فأين الصحابة إذن من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فأبو بكر الصديق ضحى بماله وبأهله وبحياته لأجل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحتفظ بالمولد. وهذا عمر رضي الله عنه ضحى بماله وبأهله ولم يحتفل بالمولد النبوي، وهكذا عثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين. وإنما جاءت هذه البدعة من الفاطميين العبيديين الضلال، وهم أقرب ما يكون من الكفر، فهم باطنية ويفعلون في الصحابة ويتكلمون في القرآن بما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. فإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، essayez d'avancer au maximum, faire de la place ceux qui sont à l'extérieur. C'est d'avancer au maximum. On voit des espaces devant. Allahu musta'an. On loue Allah subhanahu wa ta'ala et on prie sur son noble prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, sachez que le plus grand bienfait par lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés et l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète et messager, afin de faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière, afin de guider les gens vers le paradis et de les éloigner de l'enfer, c'est la miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyée pour les mondes, celui par lequel Allah tabaraka wa ta'ala a décidé de conclure la prophétie et l'envoi de ses, et la révélation de ses livres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'homme le plus pieux et l'homme le plus savant, celui qui était le meilleur conseiller pour la communauté, pour l'ensemble des djinns et des hommes, et c'est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisi en tant que prophète et messager. Et dans de nombreux versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran Karim, Allah nous rappelle ce bienfait et nous cite qu'il nous a comblés de par l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci nous est venu en nous récitant les signes d'Allah, les versets d'Allah tabaraka wa ta'ala, en nous sortant de l'ignorance, en nous purifiant, et tout cela en nous récitant le Coran et en nous appelant à suivre ce Coran. Il a donc sur nous de nombreux bienfaits et ils sont immenses, comme le fait de croire en lui, de le suivre, de lui obéir, de s'éloigner de sa désobéissance sallallahu alayhi wa sallam, de le secourir de son vivant et de le secourir sa sunna après sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ses plus grands droits sur nous, le fait de l'aimer plus que nous, plus que nos épouses, nos enfants et nos parents sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une des bases de la religion. Et celui qui n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a aucune place dans l'islam ni dans la foi. Et parmi ses plus grands droits également, il y a le fait de suivre sa voie et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala à la manière dont il nous l'a enseigné, sans ajouter à sa voie sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que de nombreux textes nous montrent la gravité d'innover dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi cela? Car celui qui innove et qui ramène des nouveautés dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala aura délaissé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aura délaissé un des droits de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui innove dans la religion d'Allah et celui qui ramène une nouveauté fera mourir une sunna de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le bien, l'ensemble du bien se trouve dans le fait de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le mal, l'ensemble du mal, se trouve dans les innovations de ceux qui sont venus après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit, alors qu'un jour j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tracé une ligne et a dit voici le chemin. Voici le chemin, c'est-à-dire le chemin d'Allah, le chemin qui mène vers le paradis. Ensuite, il a tracé des traits à droite et à gauche de ce chemin. Et il a dit, voici les sentiers. Et à la tête de chacun de ces sentiers, il y a un diable qui appelle. Puis il a récité le verset, la parole d'Allah. Et voici mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le et ne suivez pas les sentiers qui vous égareront du droit chemin. Voici ma recommandation afin que vous soyez pieux. Voici ma recommandation alors afin que vous soyez pieux. Le grand Mufassir Mujahid nous dit As-Subul, le tafsir, l'exégèse du mot As-Subul, ce contre quoi Allah nous met en garde dans ce verset, est toute innovation et nouveauté dans la religion d'Allah. Toute innovation et nouveauté dans la religion d'Allah. Et Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu nous dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait son prêche le vendredi, il élevait énormément la voix. Ses yeux devenaient rouges. Et plus loin dans le hadith, il nous dit, il disait, et sachez que la meilleure voix, la meilleure parole est la parole d'Allah. Et la meilleure voix est la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la pire des choses est la nouveauté. Et toute nouveauté est innovation. Et toute innovation est égarement. Et dans une autre version du hadith, et tout égarement mène en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute innovation. Comment se fait-il que certaines personnes de la communauté se permettent de dire non, mais il y a des bonnes innovations et des mauvaises innovations. Ittaqullah ya ibadallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit toute innovation. Et l'un d'entre vous se permet de dire il y a des bonnes innovations et de mauvaises innovations. A'oudhu billahi min al-khuzlan. C'est auprès d'Allah qu'on cherche protection contre l'humiliation et l'égarement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après nous avoir informé des troubles qui arrivera dans cette communauté et dans les temps futurs, il nous dit cramponnez-vous à ma sunna, à ma tradition ainsi que celle des califes bien guidés et prenez garde aux nouveautés, car toute nouveauté est égarement et tout égarement est naam, car toute nouveauté est innovation et toute innovation est égarement. Et parmi les textes qui rentrent la crainte dans le cœur de ceux qui croient en Allah et au jour dernier, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en suspens le repentir de l'innovateur jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation. فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Allah tabaraka wa ta'ala a mis en suspens le repentir de l'innovateur jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation. Les savants expliquent ce hadith en disant que l'innovateur ne va pas vers le repentir. Pourquoi? Car الشيطان, le diable lui est venu et lui a enjolivé son action. Et il pense qu'il est en train de se rapprocher d'Allah. C'est pour ça qu'il ne se repent pas. Et c'est pour ça que Shaytan préfère te faire tomber dans l'innovation plutôt que dans les grands péchés. Car lorsque tu tombes dans un grand péché, tu sais que tu fais du mal et tu espères te repentir. Mais celui qui tombe dans l'innovation, il veut appeler les gens à cette innovation. Et il pense qu'il est bien guidé alors qu'il est dans un égarement évident. Il s'égare lui-même et veut égarer le reste de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais bihamdillahi azza wa jal, Allah à chaque époque, mais les gens de la sunna pour revérifier la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour éradiquer les innovations de tout innovateur. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et l'adoration n'est pas acceptée chez Allah subhanahu wa ta'ala sans deux conditions. La première condition c'est la sincérité et la deuxième condition c'est le fait de faire cette adoration et cela en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certaines personnes ont une ambiguïté et disent « Mais je rajoute du bien, quel mal il y a dans cela ?» On lui dit « Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cela. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cela de la sorte. Il dit oui, mais quel mal il y a. Ça n'est que des belles paroles, ça n'est que la lecture du Coran, ça n'est que de bonnes actions. Écoute ce hadith, mon frère. Écoute ce hadith et tu comprendras que la bonne action consiste à la faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu que Abdullah ibn Amr ibn al-As priait toutes les nuits, toute la nuit, jeûnait tous les jours et n'approchait pas son épouse. Il l'a appelé et lui a dit: est-ce vrai que tu jeûnes le jour et tu pries la nuit? Il a répondu oui au messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: mais moi, je jeûne le jour et je romps certains jours. Je romps certains jours. C'est-à-dire, je jeûne certains jours et d'autres jours, je ne les jeûne pas. Je ne les jeûne pas. Je prie une partie de la nuit et je dors une autre partie de la nuit. Et celui qui s'éloigne de ma voie, de mon chemin, ne fait pas partie de nous. Celui qui s'éloigne de ma voie ne fait pas partie de moi. Est-ce que la prière n'est pas une bonne action? Est-ce que le jeûne n'est pas une bonne action? Si. Mais celui qui dépasse la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si c'est avec la prière et avec le jeûne, Allah tabaraka wa ta'ala n'acceptera pas cela de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith: chaque adorateur, chaque dévot a une motivation à temps déterminé. Celui qui met cette motivation dans la sunnah sera bien guidé. Et celui qui met cette motivation dans autre chose sera anéanti. Sera anéanti. Donc la religion d'Allah n'accepte pas l'ajout, car c'est une religion complète. Allah nous dit dans son livre: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous mon bienfait accompli sur vous. Aujourd'hui j'ai parachevé ma religion et accompli sur vous mon bienfait et agréé comme religion pour vous l'islam. Ou comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et les vieux prédécesseurs détestaient l'innovation et les gens de l'innovation, car toute personne qui innove dans la religion d'Allah azza wa jal vise à enterrer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la chose qui nous est la plus chère au monde. Comment est-ce qu'on pourra accepter qu'une personne vienne pervertir la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et éloigner les musulmans du droit chemin? Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu dit: iyyakum wa ashab al-ra'i fa innahum a'da'u sunan. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu al-Farouq nous dit: fais attention aux gens qui parlent avec leur tête, car ce sont les ennemis de la sunnah. Ils s'égarent et égarent autrui. Ils s'égarent et égarent autrui. Ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit: faire peu en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur pour toi que faire beaucoup dans l'innovation. Et Abdullah ibn Abbas nous dit une parole qui est: abradu shay ila Allah al bid'ah. La chose qu'Allah déteste le plus est l'innovation. Et l'imam Malik rahimahullah ta'ala était très dur à l'égard des gens de l'innovation. Il avait pour habitude de dire un poème: wa khayru umuri ad-din ma kana sunnatan wa sharru al-umuri al-muhdathat al-bada'i'. Et parmi les innovations qui sont répandues, et on cite cela car nous sommes dans la période, nous sommes dans le mois de Rabi' al-Awwal, et c'est le mois dans lequel est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le mois dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est aussi décédé. Il y a une innovation répandue qui s'appelle Al-Mawlid Al-Nabawi, le fait de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous vivons à une époque où la science se fait rare, et beaucoup d'ignorants pensent que cela fait partie de l'islam, alors que cela n'a aucune place dans notre religion. Au point où ils l'ont mis sur les calendriers où il y a les horaires de prière. Le fait de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachez que c'est une innovation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: toute innovation est égarement, et tout égarement mène en enfer. Sachez que cette innovation n'a pas eu lieu du temps des compagnons, n'a pas eu lieu du temps des tabi'in, ni après eux. Ça n'est venu qu'au milieu du 4e siècle. Et c'est une secte qui s'appelle les Umayyadis qui ont inventé cette innovation. Al-Fatimiyyin, c'est une secte qui s'affilie aux Rawafid, ceux qui insultent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui insultent Aisha radiallahu anha. Donc celui qui fête cet anniversaire, qu'il sache que celui qui a, ceux qui ont innové cela sont cette, les gens de cette secte Al-Batiniya. Mais malheureusement, vient une époque où l'ignorance est tellement répandue que les gens pensent que cela fait partie de l'islam. Donc de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou d'une autre personne ne fait pas partie de notre religion. Nous avons deux Eid, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Eid al-Adha et Eid al-Fitr. Voici nos fêtes, nous, les musulmans. Et ceux qui fêtent cette fête, cet anniversaire, prétendent que c'est par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On leur pose une question. Est-ce qu'ils aiment plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Abu Bakr, celui qui a sacrifié sa vie, son argent et sa famille pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'ils aiment plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Omar, celui qui pleurait lorsqu'il voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en difficulté? Est-ce qu'ils aiment plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Uthman, que Ali et que l'ensemble des compagnons? La réponse est évidente, c'est non. Et eux n'ont pas fêté son anniversaire. Est-ce qu'ils prétendent que les compagnons n'ont pas aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Deuxièmement, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de faire son anniversaire? Non. Troisièmement, est-ce qu'il l'a fêté lui-même? Non plus. Quatrièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit toute innovation mène en enfer. Ou bien si toute innovation est égarement. Et tout égarement mène en enfer. Cinquièmement, Allah Azza wa Jalla nous dit en Coran que la religion est complète. Est-ce qu'on a, on a attendu le quatrième siècle pour rajouter une adoration dans l'islam? Une adoration que, à laquelle n'a pas pensé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les compagnons. Donc c'est une innovation qui a été inventée de toutes pièces. Les compagnons n'ont pas fêté cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas appelé à cela. Sixièmement, celui qui fête l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam aura une ressemblance avec les chrétiens. Qui veut fêter l'anniversaire de Isa alayhi salam? Et cela est une innovation, ne faites pas l'anniversaire ni d'un prophète, ni d'une personne pieuse, ni de ses enfants, comme c'est le cas malheureusement, même dans la maison de certaines personnes qui font la prière et qui sont musulmanes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man tashabbaha bi qawmin fa huwa min » Celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Certaines personnes ont du mal à accepter ces paroles. Mais c'est une responsabilité sur laquelle je serai questionné yom al-qiyam. Et on a peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a peur qu'Allah nous dise yom al-qiyam. Ya Abdallah, tu as su la vérité, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas transmise? Et par amour pour mes frères, et par amour pour mes pères, je transmets ce message et je mets en garde contre le fait de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui écoute ce conseil aura voulu du bien pour lui. Et celui qui n'écoute pas ce conseil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a menacé d'un feu ardent. Et Allah azza wa jalla l'a menacé également d'un feu ardent dans son livre. Et pour conclure, un nombre de savants qui ont répondu à cette question, est-il permis de fêter et de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala al-Hanbali nous dit que c'est une pure innovation et que c'est interdit. Al-Imam al-Shafi'i al-Maliki rahimahullah ta'ala nous dit que c'est une pure innovation et que c'est interdit. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Hanbali nous dit que c'est une innovation et que c'est interdit. Et parmi les savants contemporains, Al-Allama Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, et Mohammed Ibn Salih Ibn Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, nous disent que c'est une pure innovation et que c'est interdit. Et au jour d'aujourd'hui, le plus grand savant de Médine, Al-Allama Abdel Mohsin Al-Abbad, rahimahullah ta'ala, a été questionné sur cela, et il a dit que c'est interdit de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ça ne faisait pas partie de l'islam, ni de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui qui l'aime, réellement, doit le suivre, doit apprendre sa voix, doit appeler les gens à suivre sa voix, et doit mettre en garde contre toutes les innovations. Et parmi les innovateurs, il y a un homme qui est venu en région parisienne. Il vient d'un autre département. Cet homme prétend qu'il n'y a pas de preuve dans le Coran pour dire que le hijab est obligatoire. La hawla wa la quwwata illa billah. Est-ce qu'une personne qui croit en Allah au jour dernier peut dire cette parole? Un homme qui prétend avoir de la science dit qu'il n'y a pas de preuve dans le Coran et dans la Sunna que le hijab est obligatoire. Et il dit pire que ça. Il dit que la femme musulmane a le droit de se marier avec un kafir billahi al-azim. On dit ces paroles, on sait que c'est enregistré, on sait qu'il y a des RG dans la mosquée. Mais maintenant, c'est mosquée. Il dit, cet homme dit, que la femme musulmane a le droit de se marier avec un kafir. A le droit de se marier avec un kafir. Wallahi alladhi la ilaha ghayru innaka anta al-kadhdhab al-ashir. On jure par Allah Azza wa Jal, celui en dehors duquel il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration, que cette personne-là a menti sur la religion d'Allah. Cette personne-là a menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la seule raison pour laquelle je ne cite pas son nom, c'est que je n'ai pas envie de le faire connaître, car il n'est pas connu. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yarfa'a ghayata sunnah fi kulli bilad wa an yudammira أهل البدع في كل بلاد وأن يحيي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يميت البدع اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارض عن الصحابة اللهم ارض عن الصحابة أجمعين أبي بكر عمر عثمان وعلي وسائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله